Oh, my God. Les disputes dans la chambre voisine commençaient rituellement entre 22 et 23 heures, à peu près au moment où Lisbeth se mettait au lit avec un livre sur les mystères des mathématiques. Il n'était jamais question de maltraitance grave. Pour autant que Lisbeth arrivait à le déterminer, il s'agissait d'une querelle lancinante et aigre, l'homme ne tolérant aucune protestation tout en provoquant sa femme pour la pousser aux reproches. La nuit précédente, Lisbeth était sortie sur le balcon et avait écouté la dispute. Pendant plus d'une heure, l'homme avait arpenté la chambre et reconnu qu'il était un fumier qui ne la méritait pas. Plusieurs fois, comme en pleine crise émotionnelle d'infériorité, il lui avait dit qu'elle devait le trouver hypocrite. Chaque fois, elle avait répondu que ce n'était pas ce qu'elle pensait et elle avait essayé de le calmer. Il s'était emporté de plus en plus jusqu'à la secouer. Pour finir, elle avait lâché ce qui l'attendait. « Oui, tu es un hypocrite. » Et immédiatement, il avait utilisé son aveu forcé comme prétexte pour s'en prendre à elle, à sa conduite et à son caractère. Il l'avait traité de putain, mot qui fit se hérisser Lisbeth Salander. Pour sa part, elle n'aurait pas hésité à passer aux représailles si l'accusation avait été dirigée contre elle. Mais tel n'était pas le cas et concrètement, ce n'était pas son problème personnel. Du coup, elle avait du mal à décider si oui ou non elle devrait intervenir d'une façon ou d'une autre. Green like a Perplexe, Lisbeth avait écouté l'homme rabâcher ses accusations, puis tout à coup flanquer des gifles. Elle venait juste de prendre la décision de sortir dans le couloir de l'hôtel et d'ouvrir la porte de la numéro 32 d'un grand coup de pied, quand le silence s'était installé dans la chambre. En observant la femme près de la piscine, elle nota un vague bleu sur l'épaule et une égratignure sur la hanche, mais aucune blessure évidente. Done right, an extinguished crutch of a rolling inside yellow fingers. Nothing lasts, but nearly everything lingers in life. Cell phone service is not that expensive, but that takes commitment, and you just don't have it. Feels so effortless to be a stranger, but feeling foreign, such a lonely habit. You can't crop yourself out of the picture. Out of focus, but still framed inside. Well, the land got blurry and my heart started hurting for you. Yeah. Loud mouth living got you some attention, and second chances given without doubt. Yes, you've got a history, but it's not worth a mention tonight. Kind is captive to the beers you purchase. Sipping through your scenes of plastered confession. Telling pretty stories isn't your sole purpose. Telling everybody that you've learned your lesson. But no one's falling for that nice guy bullshit. They waited years, you can wait one night. Well, the land got blurry. I started telling you to. Yeah. french fries, hot dog, ketchup, main ingredients. Swears and follies, English is the best in town. Funny how a sameness cannot be distinguished. Strangeness is relieving when you point it out. Email, home, slogans, an example of three things I can't unify. Well, the end got blurry as my thoughts are hurrying. Vous êtes toujours sur le 100 FM, Lost in Space à l'instant, on a écouté Parquet Court et Gang of Four. On va continuer dans une veine un peu plus punk que tout à l'heure avec Bad Brains, X-Ray Specs, Nirvana et plein d'autres trucs. Et plein d'autres trucs qui seront effectivement, j'avais perdu mes mots, qui seront effectivement interludés, on va dire, par des extraits de, du livre d'Albert Camus qui s'appelle L'Homme Révolté. Vous êtes bien sur Lost in Space, sur Radioactive. C'est l'émission qui mélange la littérature, le rock, le punk et tout un tas d'autres choses bizarres et variées. Thank you.

L'absurde considéré comme règle de vie est donc contradictoire. Quoi d'étonnant à ce qu'ils ne nous fournissent pas les valeurs qui décideraient pour nous de la légitimité du meurtre ? Il n'est pas possible d'ailleurs de fonder une attitude sur une émotion privilégiée. Le sentiment de l'absurde est un sentiment parmi d'autres. Qu'il ait donné sa couleur à tant de pensées et d'actions entre les deux guerres prouve seulement sa puissance et sa légitimité. Mais l'intensité d'un sentiment n'entraîne pas qu'il soit universel. L'erreur de toute une époque a été d'énoncer ou de supposer énoncer des règles générales d'action à partir d'une émotion désespérée dont le mouvement propre en tant qu'émotion était de se dépasser. Les grandes souffrances comme les grands bonheurs peuvent être au début d'un raisonnement. Ce sont des intercesseurs. Mais on ne saurait les retrouver et les maintenir tout au long de ces raisonnements. Si donc il était légitime de tenir compte de la sensibilité absurde, de faire le diagnostic d'un mal tel qu'on le trouve en soi et chez les autres, il est impossible de voir dans cette sensibilité et dans le nihilisme qu'elle suppose rien d'autre qu'un point de départ, une critique vécue, l'équivalent sur le plan de l'existence du doute systématique. Après quoi, il faut briser les jeux fixes du miroir et entrer dans le mouvement irrésistible par lequel l'absurde se dépasse lui-même. Charcoal coloured night at the entrance, azed, I won't walk in. Those nights, those weekends, give you a kick in. People half your age, I feel like a lame page, but without the fucking tunes and Joe Cocker bollocks. East miserable mainline, where the aircon won't be saved by Nicolas Cage. Put some fucking eating on, don't be shy. Smokers cough and a pokey loo gets drenched when I turn the tap on. One pint can on, I'll keep out of it. I'll keep out of it. I'll keep out of it. I'll keep out of it. Play it smooth, too much to consider. I didn't ask you to, did I? Two with one O or two spelled T-double-O. Oh no, speak and spell L. Ian's a twat and he still works in a clothes shop. Desperately enhanced, any death of whatever strengthens. Better pay your respects, quick for the kudos. Coffees at expensive tea shops, full of local art, fuck off. Gromit, Thomas the Tank Engine, 40 sleepy village, carrot cake L. Vomit, his unimagined work towards the goal of no soul. Just happenings within the four walls of your own fucking home. I'll keep out of it. I'll keep out of it. I'll keep out of it. I'll keep out of it. Eating coffee made by the spoon, it tastes like cake mix. I waste time flicking bogies, really sore nose. Is this your handiwork? As the green particles from the men's toilet land on your fucking shirt. I'll keep out of it. I'll keep out of it. I'll keep out of it. I'll keep out of it. Keep your eye slit, make it. Keep your eye slit, eye. Keep your eyes down to it. Keep your eyes, eye, eye. Le miroir brisé, il ne reste rien qui puisse nous servir pour répondre aux questions du siècle. L'absurde, comme le doute méthodique, a fait table rase. Il nous laisse dans l'impasse. Mais comme le doute, il peut, en revenant sur lui, orienter une nouvelle recherche. Le raisonnement se poursuit alors de la même façon. Je crie que je ne crois à rien et que tout est absurde, mais je ne puis douter de mon cri et il me faut au moins croire à ma protestation. La première et la seule évidence qui me soit ainsi donnée, à l'intérieur de l'expérience absurde, est la révolte. Privé de toute science, pressé de tuer ou de consentir qu'on tue, je ne dispose que de cette évidence qui se renforce encore du déchirement où je me trouve. La révolte naît du spectacle de la déraison devant une condition injuste et incompréhensible. Mais son élan aveugle revendique l'ordre au milieu du chaos et l'unité au cœur même de ce qui fuit et disparaît. Elle crie, elle exige, elle veut que le scandale cesse et que se fixe enfin ce qui jusqu'ici s'écrivait sans trêve sur la mer. Son souci est de transformer. Mais transformer, c'est agir, et agir demain sera tuée alors qu'elle ne sait pas si le meurtre est légitime. Elle engendre justement les actions qu'on lui demande de légitimer. Il faut donc bien que la révolte tire ses raisons d'elle-même, puisqu'elle ne peut les tirer de rien d'autre. Il faut qu'elle consente à s'examiner pour apprendre à se conduire. I'm gonna tell you about the car that I just bought. Oh, seasons, I came all this way. Two opposite seasons, I had to hear you say. You gotta hang around a while. No smile, postcard, in a pile. One dip, dip on pepper, salt, sugar, and tarragon. We're hanging by the pool. Mortar bricks and aluminum. Step one, figure two. I know it's probably not my place. Watch the water drain a different way. If I could, you know I'd try to rest assured. I've had for mine to rest assured. To lock it, come on, let's map it out. If I could, you know I'd try to rest assured. I've half a mind to ask the other half if I'm rest assured. Deux siècles de révolte, métaphysique ou historique, s'offrent justement à notre réflexion. Un historien seul pourrait prétendre à exposer en détail les doctrines et les mouvements qui s'y succèdent. Du moins, il doit être possible d'y chercher un fil conducteur. Les pages qui suivent proposent seulement quelques repères historiques et une hypothèse n'est pas la seule possible. Elle est loin d'ailleurs de tout éclairer. Mais elle explique en partie la direction et presque entièrement la démesure de notre temps. L'histoire prodigieuse qui est évoquée ici est l'histoire de l'orgueil européen. Time to build a girl in and out the ride. Elephant, elephant, elephant, elephant.

Pour dire que finalement, est-ce que c'est bien important qu'on perde l'énergie à parler de ce bazar, de ce pro, qui en fait n'est que du vlek, hein? Bon. We'll be right back. réfléchissons un petit peu ici, deux secondes. Les trucs faits dans le dur, hein, par exemple, l'acropole, hein, quelque part en Grèce, là-bas, en bas, le truc à Rome, là, où les pays tournent en rond avec des chevaux, ouais, le Colisée, hein, ça est toujours là. C'était un peu du pain et des jeux, mais bon, l'acropole pain, c'était du pain pour les dieux, mais c'est autre chose. Thank you. Bye. Mais ça a été fait dans le dur, Docs Brussels. Ça a été une boîte en carton, de métal recyclé. Finalement, est-ce que ça a bien un intérêt qu'on s'ennuie à penser d'aller perdre de son énergie, d'aller là-bas et de dire que c'est du vlek? Je pense pas, franchement, ça est déjà du vlek. Obsession is in life and it comes at a cost. You've been looking so long that you're surely lost.

was